L'on page internet de l'association d'amitié Baek-Tsan Tchèque-Coréen a présenté le 25 juillet le musée central d'éducation de classe nouvellement construit à Pyongyang. L'on page a présenté en détail le musée en le qualifiant comme centre d'éducation où on dévoile la nature odieuse et l'atrocité des impérialistes américains et japonais, des traîtres sud-coréens et des ennemis de classe, et où on inspire également la haine et la vengeance implacable. L'on page a fait paraître aussi les photos des visiteurs jurant la vengeance et les objets exposés.